Situation 3. Tu prends le 34 pour rentrer chez toi? Oui, il s'arrête juste devant la maison. Ah tiens, le voilà qui arrive.